et s'assoit sur la chaise morte, fatigué par l'éclat de la triste vie qu'elle emporte avec elle si bas, ne comprenant plus les caresses dont elle seule se souvient. À l'aube, il eut la sagesse de lui ouvrir les mains, de lui ouvrir. Belle robe blanche, elle se demande pourquoi les oiseaux de la chance n'ont pas chanté cette fois. L'idée qu'un créateur de l'amour pour elle seul un jour sculpta un être qui aime pour toujours, peut-être elle comprendra. Dans son histoire, elle s'imagine qu'il reviendra. Dans son histoire à l'origine, sur la lune médisante, elle laisse tomber son voile pour revivre une histoire passionnante, le berger et l'étoile. Dans son histoire, elle s'imagine qu'il reviendra. Dans son histoire à l'origine,